Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, prenez une planche en bois, une goutte d'eau, un évier, et vous obtiendrez une goutte d'aventure. Elle est immobile, tranquillement posée sur une planche en bois. Elle est ovale et légèrement bombée. Je souffle un tout petit peu dessus. Elle se contente de vaciller comme un vieux flan. J'insiste un peu, elle avance paresseusement. Sur son passage, elle sème des mini-gouttes comme si elle voulait être sûre de retrouver son chemin. Je souffle plus fort. Elle se presse, puis s'arrête net. J'incline la planche, juste un peu, pour voir sa réaction. Elle se cramponne. Je penche plus, la voilà qui glisse, paniquée, saisissant la moindre rainure pour freiner sa course. La paroi de bois est à pic. La chute est inévitable. Dans un dernier sursaut, la goutte s'accroche au bord. Une secousse lui fait lâcher prise. Elle tombe et se retrouve coincée dans les tréfonds de l'évier.